Quand je t'ai 28, au beau matin de vite vite, à tous les atouts d'une nounou. Produit exceptionnel, service personnel, elle est capable et rechargeable. La radio du passé, toute la journée, elle ne parle que de la météo, du lever au dodo. C'est un robot matin d'increvable, disponible à des prix. De son passé, elle est inoxydable. Ah ah, qui la chance. Elle roule décapotable. Chaque matin, elle écoute du Joe Dassin. Elle garde vos enfants, votre salaire est décent. On pourra critiquer notre façon de les élever. Shot.